Section 75 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 75. Le roi Telet, par Émile Blémont. Un jour qu'il gelait, l'hiver voyant le roi Telet, lest, pimpant, plein d'allégresse, quand tout expirait de détresse, lui tint le langage qui suit. Où donc étais-tu cette nuit? J'étais niché, ne vous déplaise, et j'étais niché fort à l'aise, là, sous le toit d'une maison, où, de belle et bonne façon, les femmes faisaient la lessive. Bah, nous verrons bien si j'arrive, la nuit prochaine jusqu'à toi. Au revoir, mon cher petit roi. La nuit suivante, la froidure, fut si sévère, fut si dure, que dans la maison close, l'eau fut prise en bloc sur le fourneau. Le lendemain, comme la veille, le roi Telet faisait merveille. Cette nuit, où donc étais-tu? Lui dit l'hiver, rogue et têtu, avec une colère bleue. Moi, dans l'étable, sous la queue d'une vache, j'ai bien dormi, fort bien, et vous, mon vieil ami? Gausse-toi, nous verrons, pécor, si tu railles longtemps encore. Dès le crépuscule, il gela, si sec, si fort, que ce soir-là, chaque vache eut par la gelée sa queue à ses cuisses collées. Cependant, le fin roi Telet de bonheur chantait, volait, comme au temps de Pâques fleuries. Holà, c'est encore toi qui cries, lui dit avec stupeur l'hiver, roulant ses gros yeux gris de fer. Oui, c'est moi, qui malgré la bise, malgré le gel, vole et devise. Voyez-vous, je suis si petit que rien calme mon appétit. Et partout, je trouve un asile, soit dans les champs, soit à la ville. Assez, mène un peu moins grand bruit. Où te cachais-tu cette nuit? Pas très loin, j'ai fait la trouvaille d'un bon trou chaud dans la muraille, contre le four du boulanger. J'ai sommeillé là sans danger. Là me sont venus de doux rêves. Dieu me donne, si tu ne crèves cette fois-ci, grogna l'hiver. Le soir, on fit un feu d'enfer dans le four, mais devant la flamme, le gindre, son fils et sa femme, eurent tous trois le nez gelé, tant le froid devint endiablé. Sitôt que du fond des ténèbres surgit l'aube aux pâleurs funèbres, l'hiver, en se frottant les mains, s'en alla le long des chemins. Zul, zil, zal, fit à l'improviste une voix claire dans l'air triste. Zul, zil, zal, qui donc piaille ainsi? Lorsque tout le monde est transi, demanda l'hiver avec rage. C'est toujours moi, c'est mon ramage. Qui, toi? Le petit roi Telet. Est-ce que mon chant vous déplaît? Me voici, perché sur la branche. Ah, gredin, j'aurai ma revanche. Ton caquet sera rabattu. Cette nuit, où te cachais-tu? Où te cachais-tu? Sois sincère. Mais tout simplement, dans la serre du vieux château, dont le seigneur faisait réveillon par bonheur. Ce n'est pas toutes les nuits faites. Apprends, intéressante bête, qu'il faudra déchanter ce soir. Or, la nuit, il fit un froid noir, et la brise éventra la serre, où tout périt en grande misère. Petit roi Telet vit toujours. Il savait mes belles amours. Il vint frapper à ma fenêtre. Pan, pan, j'entends, j'ouvre. Il pénètre dans la chambre, vole tout droit vers l'alcôve et, riant du froid, se blottit l'aile refermée sur le cœur de ma bien-aimée. Loin des frimas, loin des autans, jusqu'au retour du doux printemps, ainsi qu'un bon petit génie, il nous a tenu compagnie. Quand sur la neige, à l'horizon, avec sa barbe de glaçon, reparaîtra l'hiver morose, en notre nid couleur de rose. Gai Roitelet, qui nous est cher, reviens vite, narguer l'hiver, reviens, sois le vivant emblème de l'amour vrai qui toujours aime, de l'amour ailé, roi plus fort que la froidure et que la mort. Fin de la section 75, enregistrée par Margot.